Les éditions de l'Amnéa présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 5, du samedi 22 septembre 1883. Page 4, colonne 3. Le commerce du bois. D'après le journal du commerce, environ 100 000 hommes sont occupés à travailler le bois en Canada, tant dans les manufactures que dans les forêts. Ces ouvriers soutiennent les familles formant un nombre d'un demi-million, c'est-à-dire environ le 1/9 de la population de la puissance. 165 millions de piastres sont investis en capitaux dans les établissements industriels du Canada. Plus de 22 millions de dollars sont placés en machinerie de toutes sortes et en scierie. La somme formée par l'achat des terres, des bois, est d'environ 50 millions, c'est-à-dire plus du tiers de la somme placée dans d'autres établissements industriels. Le total du produit du bois était, en 1881, de 38 541 752, ou 9 piastres par chaque habitant du pays. Les cotons. Plusieurs ventes de petits lots de coton ont eu lieu la semaine dernière, mais les prix ont été maintenus. Les manufactures de Kingston et de Quaticook étaient particulièrement représentées. Il n'est pas probable que de telles ventes se répètent. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike et est une production 2014 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention et à bientôt.